Waka My Way sur RGM, un peu plus de 8h36. On fait tout de suite un point sur les anniversaires. Ils sont nés un 30 juillet 1939, naissance de Peter Bogdanovich, réalisateur américain connu pour avoir réalisé le film La Dernière Séance, sorti en 1971. 1941, naissance de Paul Anka, chanteur canadien, vu au cinéma dans Le Jour le plus long et à la télévision dans L'Homme qui tombe à pic, Zan 70 Show ou encore Las Vegas. 1947, naissance d'Arnold Schwarzenegger, acteur homme politique américain qui fut gouverneur de l'État de Californie entre 2003 et 2011, vu au cinéma dans Conan le Barbare et Conan le Destructeur dans le rôle de Conan, vu bien évidemment dans la saga des Terminator dans le rôle de Terminator, vu également dans Predator, un flic à la maternelle, Batman et Robin ou encore Expendables 1, 2 et 3 dans le rôle de Trench Mother. 1948, naissance de Jean Reno, acteur français vu dans Subway, Le Grand Bleu dans le rôle d'Enzo Molinari, Nikita dans le rôle de Victor le Nettoyeur, l'Opération Cornet Beef, Les Visiteurs 2 et Les Visiteurs La Révolution dans le rôle de Godefroy de Montmirail, Léon dans le rôle de Léon, Le Jaguar, Mission Impossible dans le rôle de Franz Krieger, Godzilla dans le rôle de Philip Roque, Les Rivières Pourpres 1 et 2 dans le rôle du commissaire Pierre Niemens, Wasabi, L'Enquête Corse, La Panthère Rose 1 et 2 dans le rôle de Ponton, Da Vinci Code dans le rôle du commissaire Bézufache, L'Immortel, La Rafle dans le rôle du docteur David Schoenbaum et vu dans la série télé Joe dans le rôle de Joachim Sinclair. 1958, naissance de Richard Burgi, acteur américain vu à la télévision dans Waikiki West, Washington Police dans le rôle du capitaine Vincent Hunter, 24 heures chrono, Desperate Housewives dans le rôle de Karl Mayer, Castle, Les Frères Scott dans le rôle de Ted Davis ou encore Rush Hour. C'est également l'année de naissance de Kate Bush, auteure, compositrice, interprète britannique, notamment connue pour le titre Wuthering Heights, dont on écoute tout de suite un extrait. Voilà pour l'extrait de la chanteuse Kate Bush. Allez, on continue les anniversaires. 1961, naissance de Lawrence Fishburne, acteur américain, vu dans Apocalypse Now dans le rôle de Tyrone Miller, Cotton Club, Freddy 3, Les Griffes du Cauchemar, Othello dans le rôle d'Othello, la trilogie Matrix dans le rôle de Morpheus, Mystic River, Mission Impossible 3 dans le rôle de Théodore Brassel, Contagion, Man of Steel dans le rôle de Perry White, rôle qu'il a d'ailleurs repris dans Batman vs Superman, l'aube de la justice, vu également dans Ant-Man et la Guêpe dans le rôle de Bill Foster, La Mule, sortie en 2018, réalisée par Clint Eastwood, vue dans la série Les Experts dans le rôle du docteur Raymond Langston, ainsi que dans Les Experts Miami et Les Experts Manhattan, et vue également dans la série Hannibal dans le rôle de Jake Crawford. 1963, naissance de Lisa Kudrow, actrice américaine, vue à la télévision dans Dingue de toi, Cougar Town, Scandale, bien évidemment connue pour son rôle de Phoebe Buffay dans la série Friends, vue au cinéma dans Mafia Blues 1 et 2, PS I Love You ou encore Nos Pires Voisins 1 et 2. 1964, naissance de Vivica Fox, actrice américaine, vue dans Née un 4 juillet, Independence Day ainsi que la suite Independence Day Resurgence dans le rôle de Jasmine Hiller, vue aussi dans Batman et Robin, Kill Bill, la série télé Ma Famille d'abord, Missing disparu sans laisser de traces dans le rôle de l'agent du FBI Nicole Scott ou encore la série Empire dans le rôle de Candace Holloway. 1969, naissance de Simon Baker, acteur australien vu dans LA Confidential, Le Cercle 2, Le Diable s'habille en Prada dans le rôle de Christian Thompson, Mariage à l'anglaise, à la télévision dans Summer Bay, Hartley cœur à vif dans le rôle de Tom Summers, mais bien évidemment connu pour son rôle de Patrick Jane dans la série Mentaliste. 1970, naissance de Christopher Nolan, réalisateur, producteur, scénariste britannique, réalisateur des films Insomnia, Batman Begins, réalisateur, scénariste et producteur de The Dark Knight et The Dark Knight Rises, ainsi que Inception, Interstellar, Dunkerque, scénariste et producteur de Man of Steel et producteur de Batman vs Superman, L'Aube de la Justice et Justice League. 1971, naissance de Calogero, chanteur français. C'est également l'année de naissance de Christine Taylor, actrice américaine, vue dans Zoolander 1 et 2 dans le rôle de Matilda Jeffries, Dodgeball même pas mal dans le rôle de Kate Vick. 1974, naissance d'Hilary Swank, actrice américaine, vue dans Million Dollar Baby dans le rôle de Maggie Fitzgerald, Le Dahlia Noir, PS I Love You, Conviction dans le rôle de Betty Ann Waters, Happy New Year, la série télé Beverly Hills durant 16 épisodes dans le rôle de Carly Reynolds. 1977, naissance de Jamie Presley, actrice et mannequin américaine, connue pour son rôle de Joe Darville Turner dans la série télé Earl. 1979, naissance de Clotilde Esme, actrice française, vue dans Le Fils de l'épicier dans le rôle de Claire. Angèle et Tony dans le rôle d'Angèle, récompensée par le César du meilleur espoir féminin, et vue aussi dans Chocolat dans le rôle de Marie Eke. 1981, naissance de Lisa Goldstein, actrice américaine connue pour son rôle de Millicent Huxtable dans la série télé Les Frères Scott. 1982, naissance d'Yvonne Strahovski, actrice australienne connue pour son rôle de l'agent Sarah Walker dans la série télé Chuck, vue dans la saison 7 et 8 de Dexter dans le rôle d'Anna McKay, et vue également dans 24 heures chrono. 1991, naissance de Laurie Tillman, Miss France 2011, animatrice télé et actrice également, puisque vue dans Alice Nevers, Le Juge est une femme, ou encore Camping Paradis. C'est également l'année de naissance de David Carreira, chanteur portugais et français, et qui a sorti un album il y a quelques temps maintenant, et on va tout de suite écouter un extrait, c'était le titre « Boom ». Comme dans un film au ralenti, zoom. Ta dernière image, toi qui t'enfuis, boum. Tu as dit c'est la vie, t'es parti et boum. Dehors il fait gris, clap de fin puis zoom. Le taxi en bas qui démarre et boum. J'ai le cœur qui bat au ralenti, boum. Dans tes yeux je vois tout est fini, boum. Notre histoire d'amour sous la pluie s'écoule. Ne pas repenser à toi surtout. Sortir faire comme si je tenais le coup. Ton souvenir me poursuit. Tu es dans toute mêlée. Tu m'aideras à ne plus repenser à nous. Tu es parti et c'est trop tard. Tu es parti sans un regard. Tu m'aideras à t'effacer de ma mémoire. L'amour a parfois tort. J'ai essayé de m'évader. Quoi qu'on pense et qu'on défasse, l'amour a parfois tort. Je pense à toi, je te vois partout. Je rêve de moi, mais je rêve de nous. Au fond de moi, je deviens fou. J'ai peur de plus savoir aimer. Comme dans un film au ralenti, zoom. J'essaie de cacher mes... Voilà pour l'extrait de David Carreira. Allez, on continue. 1996, naissance de Jacob Lofland, acteur américain. Vu dans Mude sur les rivières du Mississippi, Le Labyrinthe, La Terre brûlée et Le Labyrinthe, Le Remède mortel dans le rôle d'Aris. 2001, naissance de Margot Bézia, séiste française qui au championnat du monde de descente 2018, médaillée d'or en C1 sprint par équipe et médaillée de bronze en C1 classique par équipe et en C2 classique. En 1683, décédée Marie-Thérèse d'Autriche, reine de France et de Navarre, épouse de Louis XIV. En 1718, décédée Liam Payne, fondateur de l'État de Pennsylvanie. 1930, décédée Hans Gamper, homme d'affaires suisse, fondateur du club de foot FC Barcelone. En 1992, décédée Joe Shuster, dessinateur de comics d'origine canadienne, co-créateur de Superman. En 1996, décédée Magda Schneider, mère de Romy Schneider, actrice allemande et vue aux côtés de sa fille.

est-ce que c'est par peur? Et si c'était mieux comme ça? Est-ce qu'un jour on le saura? Calogero, on se sait par cœur sur le 107 FM, un peu plus de 8h51, on fait tout de suite un point météo. La météo. Belle journée ensoleillée qui nous attend aujourd'hui avec des températures comprises entre 16 et 17 degrés ce matin, entre 25 et 26 degrés pour cet après-midi et pour ce soir et cette nuit, on devrait avoir des averses de pluie. Mercredi, soleil et nuages au programme, des températures comprises entre 16 et 17 degrés le matin, entre 23 et 24 degrés prévus pour mercredi après-midi. Jeudi, belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 14 et 15 degrés le matin et entre 25 et 26 degrés prévus pour jeudi après-midi. Allez, tout de suite, on fait un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On parle tennis avec le tournoi de Washington hier, la qualification de Tsonga en 2-7 face à Schnur, 6-4, 7-6, Manarino s'est qualifié en 2-7 face à Ivashka, 7-6, 6-3. Aujourd'hui, Tsonga affrontera Kachanov et côté féminin, Mladenovic affrontera aujourd'hui Rogers. À Los Cabos, hier, Janvier est éliminé en 2-7, 6-4, 6-4 par Kokkinakis. Aujourd'hui, Barrer affrontera Nouri. À Kitzbühel, Jérémy Chardy s'est qualifié en 2-7 face à Cecchinato, 7-6, 7-5. Aujourd'hui, Richard Gasquet affrontera Kohlschreiber. Et à San José, Tan affrontera Azarenka. Dans le reste de l'actualité, en bref, football, Patrice Evra annonce sa retraite. En basket, début aujourd'hui de la préparation pour le mondial qui aura lieu en Chine. Et Tour de France, on a appris hier que Julien Alaphilippe avait offert un maillot jaune à chacun de ses coéquipiers en remerciement. Voilà pour l'actualité sportive. Va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec le tube de l'été 2002, La Sketchup à Sebehe. Por el ritmo ragatanga, el DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, la canción más de Voilà pour la SketchUp tube de l'été 2002 sur RGM. Eh bien, il est presque 8h57, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. 13h30, la rediffusion de Minute Bonheur avec l'IA. 17h, nouvelle émission Kaizen. À 20h, la parole est à vous avec Michel. 22h, Jimmy, je vous le lis avec Dominique. 23h, 20 Flight Rock. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.